On fait des choses qu'on regrette vraiment. Avec le temps j'ai prêté serment, je l'ai fait sincèrement, on oublie bêtement. Je rêve d'une vie où je m'endors sagement. Je suis conscient que je te dois tellement. Avec le temps j'ai prêté serment, je l'ai fait sincèrement et je le dis clairement. J'ai fait des choses que je regrette vraiment, que je regrette vraiment. On me dit mais si tu tiens, combien se perd en chemin. Que ferais-je si j'étais toi, que ferais-tu si t'étais moi. On me dit mais si tu tiens, combien m'ont tendu la main. Que ferais-je si j'étais toi, que ferais-tu si t'étais moi. Je suis venu, j'ai vu, j'ai perdu mon temps. Et j'ai rien pu faire à part serrer les dents. J'ai rêvé ma vie à travers la vitre. On désire sans effort la miséricorde. Celui qui prend la vie est derrière la porte. Là tu réalises que tout est passé si vite. J'ai continué ma route. J'ai continué ma route. Continué ma route. J'ai continué ma route. Des choses qu'on regrette, c'est vrai. Et j'ai appris à mettre en retrait. Parfois je suis distrait et j'en ai trop fait. Je vis la nuit car je rêve en secret. Tous ces mots que je vais emporter. Dans les épreuves je me suis enfermé. Je me mets en danger, je construis, je défais. On fait des choses qu'on regrette, c'est vrai. On me dit mais si tu tiens, combien se perd en chemin. Que ferais-je si j'étais toi, que ferais-tu si t'étais moi. On me dit mais si tu tiens, combien m'ont tendu la main. Que ferais-je si j'étais toi, que ferais-tu si t'étais moi. Je suis venu, j'ai vu, j'ai perdu mon temps. Et je n'ai rien pu faire à part serrer les dents. J'ai rêvé ma vie à travers la vitre. On désire sans effort la miséricorde. Celui qui prend la vie est derrière la porte. Là tu réalises que tout est passé si vite. J'ai continué ma route. J'ai continué ma route. Continué ma route. J'ai continué ma route. J'ai continué ma route. Continué ma route. Passé si vite.